À l'occasion du 68e anniversaire de la République populaire démocratique de Corée, ont eu lieu des banquets, expositions de photos et de livres et séances de films dans les représentations coréennes en Guinée équatoriale, en Égypte, en Guinée, au Nigeria, en Algérie, en Éthiopie, en Tchèque, en Roumanie, en Autriche, en Italie, en Allemagne, en Bulgarie, en Pologne, en Espagne, en Suède, au Brésil et au Pérou. Les portraits souriants et les portraits en pied des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il se trouvaient dans les salles de cérémonie, avec les photos qui montrent les exploits des grands leaders et du maréchal Kim Jong-un, les ouvrages classiques des grands leaders et du maréchal, les livres et les photos qui présentent la réalité de la Corée en essor. Aux séances de films, on a projeté les documentaires coréens, notamment les confettis de feu de la grande puissance prospère et l'hôpital pour enfants en Nyon. Aux cérémonies, ont figuré les personnalités de différents milieux, les membres des organisations d'études des études du Jutsi, d'amitié et de solidarité avec le peuple coréen et les diplomates coréens.